Les matchs du groupe 7 des éliminatoires pour le championnat de moins de 23 ans de la Confédération asiatique de football 2018 sont terminés au stade 1er mai à Pyongyang. L'équipe coréenne s'est classée première avec 7 points et qualifiée pour le championnat de 2018. L'équipe hongkongaise de Chine a gagné 5 points, celle du Laos 4 points et celle de Taipei de Chine 0.